Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les plaques dans la ville, c'est la mémoire au coin de la rue. Rue de la Fontaine. Mais est-ce parce que s'y trouvait une fontaine ou bien est-ce un hommage aux fabulistes du XVIIe siècle? Les noms de rues et les plaques commémoratives sont des choix. Elles portent notre histoire et notre mémoire. Les voit-on encore? Les voit-on assez? 41 rue des Vinaigriers, 10e arrondissement de Paris. Ici demeurait André Picou, gardien de la paix, Émilienne Picou, son épouse, assassinée par les nazis le 21 septembre 1944, mort pour la France. 10 rue Danton, 6e arrondissement, ici est tombé pour la libération de Paris Ferdinand Chronis, victime civile. Square de la Roquette, 11e arrondissement. De l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à la libération de Paris, le 25 août 1944, dans ces lieux, 4000 résistantes ont été emprisonnées pour avoir lutté contre l'occupant. Elles ont contribué à la libération de la France. Ces plaques, elles, contribuent à ne pas oublier. Florence Bourillon, bonjour. Bonjour. À partir de quel moment dans notre histoire s'est-on mis à donner des noms de personnes à des rues? Parce que dire la rue de la Fontaine parce qu'il y avait une fontaine, la rue du Port parce qu'elle menait au port, nous comprenons très bien. Des noms de personnes? Alors en fait, on a pris l'habitude de considérer que c'était à partir de 1600, c'est-à-dire Sully, qui a commencé à vouloir donner et organiser la ville en donnant des noms aux rues. Je dois dire que peut-être que nos collègues modernistes ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette date, mais très honnêtement, les recherches qui ont été faites sur ce sujet ne remontent pas véritablement au-delà. Et en deçà, ça se pose plutôt dans la période du XVIIIe siècle, et en particulier à partir de 1729, on demande aux Parisiens de mettre des plaques en fer avec le nom de leur rue, pour pouvoir s'y retrouver, puisque c'est un propos qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder à plusieurs reprises, c'est que non seulement le nom d'une rue compte pour la personne que l'on rappelle, mais le nom d'une rue, c'est aussi un repère géographique et un repère spatial pour les habitants, de ce qui nous paraît tout à fait évident, mais qui compte bien évidemment dans le projet qui est celui des ordonnateurs de la ville. Donc cette date de 1600, c'est un point de départ, mais c'est plutôt début du 18e et bien sûr le début du 19e siècle, en particulier à partir du moment où la ville de Paris a accepté de prendre en charge l'intitulé des noms des rues en les peignant sur les façades. Évidemment, après, elles ont disparu, puisque la pluie les a fait disparaître. Mais en soi, c'est véritablement 1806-1807, c'est-à-dire au moment où on veut vraiment savoir qui et où, pour des raisons liées sans doute à la fiscalité, mais pas seulement, et également pour des raisons qui sont liées véritablement à ces propos d'édilité, c'est-à-dire comment organiser la ville. Oui, il y a une volonté du pouvoir, alors qu'il soit municipal, et sans doute même au-delà, parce que Florence Bourillon, vous évoquez cette période, celle de l'épisode napoléonien, contrôler, donc contrôler la rue, contrôler l'espace aussi, en donnant des noms, et donc parfois des noms de personnes. Alors, plutôt morte que vivante, plutôt célèbre ou qui ont juste habité à ce lieu-là. En fait, plusieurs cas sont possibles. Alors, je pense que plusieurs cas sont possibles. Et ce que l'on constate beaucoup pendant la période du premier 19e siècle, c'est que c'est souvent, en particulier pour les rues nouvelles, les lotisseurs, les gens qui créent cette rue, qui donnent leur nom à une rue du quartier. C'est le cas, par exemple, du boulevard Saint-Ange, qui est donc un lotissement qui se trouve juste de l'autre côté du mur des fermiers généraux dans le 10e arrondissement. C'est le cas aussi, par exemple, dans le 15e, tout le quartier Violet, c'est un promoteur qui lui-même a donné ce nom. Mais ça n'est pas obligatoirement ce cas-là. Ça peut être aussi de donner le nom de gens importants dans un quartier. Toute la réfection du quartier de, par exemple, sur la rive gauche, autour du théâtre, eh bien, on regroupe les noms de théâtreux, d'auteurs, pour pouvoir là véritablement, autour de l'Odéon, pour pouvoir véritablement organiser la ville avec ce point central de ralliement qui est le théâtre. Donc les deux opérations sont en fait simultanées et quelquefois concomitantes. Quand il s'agit de nominalisation, puisque très souvent, on donne aussi des noms de batailles, des noms de sites, et pas seulement des noms d'individus. Effectivement, avec cette question du choix des noms dans ce premier 19e siècle, comment sont choisis ces noms de personnes? Alors, il y a sans doute un effet d'usage et d'évidence, peut-être, mais enfin, quand même, quand vous évoquiez, Florence Bourillon, le cas du quartier du Théâtre de l'Odéon, à Paris, il y a des décisions aussi. Ça, c'est plutôt la fin du 18e. En fait, le choix est beaucoup plus modéré au tout début du 19e siècle. La grande période de mutation des noms des rues de Paris, c'est la Révolution, pour des raisons évidentes. On a supprimé tous les saints, toutes les saintes, ce qui forcément modifie pas mal les choses, mais en même temps, les noms restent. Et puis, on a aussi créé des rues qui portent le nom de la fraternité, le nom des grandes valeurs républicaines. Et le tout début le retour des Bourbons à partir de 1814 va forcément évoquer des changements très importants. Et pour éviter ces changements très importants, eh bien, se crée un décret qui date de 1816 et qui, enfin plutôt une ordonnance royale, et qui va décider que c'est le pouvoir central qui va décider définitivement la nomination, en particulier la nominalisation des rues à Paris, mais dans toute la France. Et cette décision est tout à fait essentielle. Elle concerne le nom des rues, elle concerne aussi les plaques, c'est-à-dire c'est ce qui relève des hommages publics. C'est l'autorité centrale qui va conférer les hommages publics. Et le texte est rédigé de façon très intéressante, parce que c'est pour éviter aux autorités locales de le faire à leur place. Hein. Donc ce sera pas les conseils généraux, ce seront pas telle et telle institution, c'est nous qui décideront de l'hommage public. Et ce texte essentiel, hein, qui va complètement organiser ces différentes campagnes, à la fois pour les plaques commémoratives et pour les plaques de rue, ne sera supprimé qu'en 1958. Donc vous voyez qu'elle a duré quand même un certain temps. Les plaques de rue, ça nous comprenons très bien, le nom de la rue pour s'y retrouver. Extrêmement pratique. Et puis, il y a, Florence Bourillon, ces plaques commémoratives. Rappeler que quelqu'un a vécu là, ces plaques commémoratives du 19e siècle, que disent-elles? Alors, les plaques commémoratives du 19e siècle, en fait, il y a un genre de l'inscription qui va, en fait, un peu se poursuivre au-delà de la période de la Révolution. Et après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qui sont apposées sur les murs de Paris. La résurgence beaucoup plus importante de ces plaques commémoratives, et celles dont nous sommes plus directement héritiers, c'est celles qui ont été décidées après la création du comité des inscriptions de la ville de Paris, et qui datent de 1879. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où d'ailleurs également pour les plaques de rue, on aura l'occasion d'y revenir, il y a une espèce de recentrement au niveau du pouvoir parisien, du pouvoir préfectoral, sur toute cette campagne qu'on peut presque qualifier de patrimonial, bien que le terme de patrimoine n'est pas du tout utilisé. Hein. Mais il s'agit bien de faire l'histoire de Paris, de rappeler, on parle même de la galerie des ancêtres, hein, donc de rappeler les grands événements qui ont pu arriver à Paris. C'est un peu en lien, évidemment, avec une démarche d'autonomie hein, des élus parisiens. Et ça, il faut véritablement insister sur cette date de 1879, parce que à ce moment-là, on va rédiger, écrire les plaques commémoratives un peu dans la, si vous voulez, c'est vraiment les ancêtres de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont ces plaques commémoratives que vous avez étudiées, Philippe Appelois, mais justement, certaines d'entre elles, lesquelles? Alors, celle de la période 1939-1945 à Paris, puisque la ville compte un nombre impressionnant de plaques, environ 1300 plaques et de cette période. Et mon intention, évidemment, c'était de les regrouper, d'en faire un livre, de faire une sorte de monument de papier et également de montrer, comment dire, la beauté voyez, de ces objets comme ça qui sont dispersés dans tous les arrondissements de Paris et qui donnent à voir des compositions typographiques charmantes, enfin pleines de charme pour les plus anciennes plaques, puisque celles d'aujourd'hui sont simplement fabriquées. Mais je dirais, quand j'ai fabriqué de façon mécanique et par l'ordinateur, et autrefois, c'était le travail des artisans tailleurs de pierre qui avaient une connaissance de la composition typographique, qui parfois ajoutaient des ornementations. On y voit des médailles, des drapeaux, des rubans tricolores, des palmes, parfois des photos. Et c'est cet ensemble harmonieux, j'ai envie de dire, qui m'a effectivement arrêté, en plus du sujet qui me concerne particulièrement. Enfant de Paris, 1939-1945, publié chez Gallimard. Ça, c'est cet ouvrage absolument sensationnel avec toutes ces plaques qui concernent cette période de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ces murs qui nous font signe, publié par les enfants de Paris, justement. Dites-moi, dans votre recherche, Philippe Appelois, il y a donc ces plaques de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai envie de vous poser la question sur ce qui n'est pas votre sujet d'étude. En arpentant les rues de Paris, vous en avez vu énormément des plaques autres que de cette période-là. Bien sûr, il y a des plaques qui rendent hommage à des célébrités ou à des lieux dits. Ici, s'élevait tel et tel bâtiment. Mais moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse en tous les cas avec la compilation des plaques de la Seconde Guerre mondiale, c'est de rendre une visibilité à tous les anonymes de l'histoire. Parce que justement, sur ces plaques commémoratives de cette période, il n'y a pas que des célébrités, loin s'en faut. Il y a beaucoup de gens jeunes, entre autres, qui ont perdu leur vie au moment de la libération de Paris. Et ça raconte aussi l'histoire de l'arrestation, de la déportation des Juifs. Donc, ce sont des gens qui ont été pris dans les mailles de l'histoire et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont vécu anonymes, mais ne sont pas morts ignorés, puisque les plaques compensent l'absence et en fait on les regarde avec émotion, j'ai envie de dire. Oui, émotion évidente. Et ces plaques, qu'elles soient plaques de rue ou plaques commémoratives, racontent notre histoire. Hein. C'est ce trombinoscope absolument gigantesque, mais sans visage, uniquement avec ses noms, cet annuaire formidable avec souvent d'ailleurs la précision du pourquoi, qui alimente notre imaginaire et qui, parfois, est l'objet de collections. Puis alors, il y a la plaque de l'enseigne de la rue de Touraine. Parce que n'oublions pas que maintenant, les plaques sont en fer et que ça, ce sont encore des plaques en pierre. Il en reste entre 150 et 200 dans Paris, aujourd'hui. Des anciennes, gravées comme ça au 18e, avec les numéros des quartiers anciens. Vous regardez, oui. Au quartier latin, il y en a beaucoup. Dans le Marais, il y en a beaucoup. Après, il y a eu les plaques en lave, comme vous voyez, oui. Dans l'entrée, derrière le banc, en lave de Volvic. Et puis maintenant, on fait des plaques en tôle, légères, faciles à mettre, beaucoup plus modernes et pratiques, mais à mon avis, beaucoup moins jolies. Mais ces plaques-là, vous en avez beaucoup? J'en ai trois. Rue de Touraine, rue Thibaut-Taudet et rue du Pont aux Biches. C'était un pont sur la Bièvre. C'est très joli d'ailleurs comme nom. C'est très beau, la rue de Pont-aux-Biches. Madame Roxane de Buisson, qui en 1972, sur l'ORTF, présentait sa collection de plaques de rue, et elle en est très fière, elle a raison d'être fière de ces plaques de rue. Florence Bourillon, il y a eu une histoire des plaques de rue. Alors déjà, par leur matérialité, parce qu'elles sont, parce qu'elles disent aussi. Oui, vous voulez dire sur le matériau, sur le... Alors, au 18e siècle, on a demandé... aux Parisiens de mettre des plaques en métal. Mais évidemment, le nombre de demandes et de réitérations au cours du 18e montre bien que les gens ne le faisaient pas, d'autant plus que c'était à leur charge. Le changement, je l'indiquais tout à l'heure, c'est plutôt en fait la période napoléonienne où on s'est mis à, puisque les Parisiens ne voulaient pas le faire, à peindre. Donc là, on n'est plus dans une histoire de plaques. Et la décision de l'utilisation de la lave de Volvic émaillée, hein, qui sont quand même font partie de ce qu'on appelle les belles plaques, les plaques anciennes assez belles. Ça date de 1844 et le temps de la pose, on arrive à peu près en 1853. Donc vous voyez que c'est quand même tout ça est quand même une évolution qui est très lente. C'est un peu ce qui est frappant quand on s'intéresse à ces phénomènes de marquage. Et puis en fait dans l'espace urbain. C'est peut dire une chose, c'est que je vois deux différences quand même fondamentales entre les plaques de rue et les plaques commémoratives. Les plaques de rue sont toutes conçues globalement sur le même modèle aujourd'hui de Tolémaillé, avec un code couleur. Elles sont sur fond bleu avec un liseré vert. Elles sont surmontées d'une forme d'arc de cercle à l'intérieur duquel il y a le nom de l'arrondissement, et avec l'utilisation d'une police de caractère qui est pratiquement toujours la même. D'ailleurs, une typographie étroitisée, puisque le format des plaques sont quasiment identiques pour toutes d'entre elles, et la typographie est blanche, ce qui est rare d'ailleurs de lire en réserve, parce que souvent on lit en noir sur blanc, or là on nous donne à lire à l'inverse, en blanc sur un fond bleu foncé. Et puis, je dirais, les plaques de rue, l'autre différence, c'est qu'elles indiquent des directions, et les plaques commémoratives n'indiquent rien d'autre qu'une un fragment d'histoire. Et puis un lieu précis, hein, la plaque commémorative est sur un point, la plaque de rue est sur un segment, sur une longueur. La plaque de rue a une histoire qui, eh bien, vit selon l'histoire même de la ville. Nous parlons plus particulièrement de Paris, et en l'occurrence, en 1860, sous le règne de Napoléon III, Paris s'agrandit. Adieu la villette, fini les goguettes remplies de grisettes par les jours d'été. Adieu nos villages, nos danses peu sages sous les verts feuillages si souvent chantés. Adieu Grenelle, où tant de belles sous la tonnelle connurent l'amour. Adieu les folles courses en carriole aux batignolles à la fin du jour. Adieu village, adieu bel âge, tournons la page, adieu nos 20 ans. Denise Benoît chante « Adieu nos villages ». C'était dans l'émission « Le cabaret historique » en 1971, une chanson qui évoque l'agrandissement de Paris en 1860. Florence Bourillon, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est, Créteil. Vous avez émérite. Émérite. Ah bah oui, je ne vais pas l'oublier ça. Émérite. Vous avez publié « Changer les noms des rues de Paris », la commission Méruault 1862. C'est extrêmement intéressant, ce moment-là. Ces années 1860, toujours dans le cas de Paris, quant à la réflexion des noms des rues. Oui, parce que le problème majeur, c'est que on a donc annexé ce qu'on peut appeler la petite banlieue, enfin ce qu'on appelait la petite banlieue, c'est-à-dire le territoire situé entre le mur des fermiers généraux et les fortifications. Ce qu'on peut aussi appeler les communes amies, enfin vous avez toute une terminologie qui est plus ou moins politiquement correct. Haussmann, lui, il dit les territoires annexés, pour ne justement pas avoir l'air d'annexer des communes. Et ça représente quand même un territoire gigantesque, puisque c'est le doublement de la surface de Paris, et c'est une façon d'englober 11 territoires, enfin, qui correspondent à des communes en entier, comme par exemple Belleville, Auteuil ou Passy, et puis des morceaux de communes, comme par exemple tout ce qui se passe, tout ce qui a été pris à la ville de Neuilly. Donc, bien évidemment, on hérite en même temps de tout un système viaire qui est celui des communes. Donc, on s'est retrouvé avec des homonymies tout à fait catastrophiques, 18 places de l'Église, 16 rues Marie, 16 rues Notre-Dame, des rues des Champs, des rues des Vignes, plus toutes les batailles, etc. Toutes les rues Napoléon, bon. Donc, il a forcément fallu régler cette question de l'homonymie à l'échelle de l'ensemble du territoire agrandi. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette commission s'est donc attaquée à ce sujet en pensant avoir un travail, disons, qui serait expédié assez rapidement. Et puis, elle s'est rendue compte de la complexité, justement, de ce réseau viaire, puisque vous aviez, dans ces communes annexées, beaucoup de voies qui étaient privées, mais d'usage public, de voies publiques, mais en réalité captées par des promoteurs ou autres, ce qui fait qu'il y avait une telle complexité qu'il y a eu d'abord un travail énorme fait sur le classement des rues et sur également l'intitulé en fait de la voirie, qui n'était pas fixée et qui a représenté une très grande partie du travail de la commission. Donc ordonner à l'échelle de la ville à la fois le type de rue, le type de voie, et en plus, créer un référentiel qui serait commun à l'ensemble des Parisiens. Oui, d'ailleurs, vous publiez, Florence Bourillon, dans cet ouvrage, Changer les noms de rue, le rapport de la commission, nous voyons le travail, mais terrible, parce que dans un premier temps, il faut inventorier, savoir tout ce qu'il y a comme... Alors, il y a tous les noms, les rues, les impasses, les avenues, les boulevards, etc. Le nom donné, et puis les noms à changer. Et alors là, nous touchons à quelque chose qui est extrêmement pertinent dans le choix du nouveau nom. Que constatez-vous en fait? Beaucoup de noms de personnes sont donnés à ces rues ou à ces rues qui avaient un ancien nom? Oui, alors globalement, ils ont vérifié la situation de 3000 rues et ils ont proposé des changements pour 1500. Donc c'est quand même énorme. C'est la plus grande opération de transformation de nom de rue. Alors ça, elle n'a pas été suivie sur toutes les décisions, mais en gros, oui. Et c'est véritablement la plus grande expérience de nominalisation, puisque 62% des nouvelles plaques ont des noms d'individus. Donc il y a bien ce travail qui est destiné à donner des noms d'individus. Alors en gros, on essaye de respecter avec la largeur de la voix et la longueur, l'importance du personnage en question. Donc on essaye de mettre quelques règles véritablement d'attribution. Et puis pour finir, Meru Audi, on a pris le premier sur la liste quand vraiment il n'y avait plus d'idées sur la façon de se comporter. Mais il y a quand même un certain nombre de constantes que l'on peut véritablement retrouver et qui paraissent tout à fait intéressants dans, par exemple, la place des militaires qui ont défendu Paris en 1814 et en 1815 sont situés près des fortifications ou alors près de l'école militaire, mais du coup il y a un renvoi de l'un à l'autre. Enfin, il y a tout un ensemble de réflexions communes qui paraît importante à relever. Oui, c'est drôlement intéressant d'ailleurs de voir comment des choix ont été faits, et d'ailleurs c'est très net, mais nous sommes en 1862 en l'occurrence pour cette commission, et puis les années qui suivent, parce que c'est un long travail, il y a des choix qui reflète en fait la politique du moment, bien sûr un écho à l'Empire, c'est une évidence, mais pas que. Non, et alors justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a à peu près trois principes. Il y a le principe effectivement de récupérer les avenues qui portent les noms des Napoléonides, ça c'est, on n'y peut rien, c'est le régime. Mais il y a aussi la volonté de l'Empire de rallier en fait un peu l'histoire légendaire et historique, enfin je reprends les termes d'Haussmann, sur l'histoire de France. Donc il y a une espèce d'éclectisme que poursuivra totalement la Troisième République par la suite, de rattachement des noms des rues de Paris à une histoire nationale. Et puis il y a un culte rendu au progrès, à la science et à l'industrie, et qui est effectivement assez intéressant. Alors aujourd'hui, ça évoque plus grand-chose pour les Parisiens quand ils voient des noms d'ingénieurs, mais au XIXe siècle, c'était sans doute plus important et plus proche. C'est le charme des noms de rue, ces noms de rue que chante Cora Vauquer. Toutes les rues de cette ville portent des noms très ennuyeux, des noms anciens et difficiles, donnés par des gens trop sérieux. Je n'aime pas l'histoire ancienne, j'ai beaucoup mieux, moi j'ai la mienne. J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné les noms de mon histoire. Rue du 3 juillet, c'est là qu'on s'est vu, premier jour toujours dans ma mémoire. La rue du premier rendez-vous mène à la rue des rêves tendres, et la rue qui est juste au bout, c'est la rue où j'allais t'attendre. Et voici plus loin la rue des aveux et la rue du 31 décembre, qui devint bientôt pour deux amoureux la rue de la petite chambre. Mais le bonheur n'est pas fidèle, il s'en va comme il est venu. Ma belle histoire était trop belle, en un moment j'ai tout perdu. Et tout d'un coup dans cette ville, j'ai détesté ces rues tranquilles. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. plaisir et douceur, Cora Vauquer, qui chante les noms de rue Cora Vauquer, qui a une rue à son nom dans le 18e arrondissement de Paris. Cora Vauquer, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil, le cours de l'histoire qui s'intéresse au nom des rues, aux plaques commémoratives, avec, il faut le dire de tout de suite, Florence Bourillon, une différence majeure entre la plaque de rue qui donne le nom de rue, choisie souvent par l'autorité, l'institution, et puis la plaque commémorative, où là, j'ose pas dire une anarchie plus grande règne au moment du choix, mais enfin, il y a quelque chose qui est plus lié à un mouvement plus spontané. Alors là, je pense que vous vous trompez complètement. Ah, j'adore. Parce que effectivement, il y a un mouvement qui est à l'origine, mais Philippe va en parler sans doute beaucoup mieux que moi, et qui est à l'origine en fait de ces remises de plaques. Mais de toute façon, et au terme de cette ordonnance de 1816, c'est le pouvoir central qui décide ou non de la plaque. Si vous voulez, c'est la préfecture de qui décide si véritablement la plaque sera posée ou pas. Et il y a un deuxième impératif, là aussi, sur lequel il n'y aura aucun changement, c'est le fait qu'il faut que les gens qui sont dans l'immeuble donnent leur autorisation. Et là, dans tous les cas et dans toute la période, c'est-à-dire depuis, enfin jusqu'à aujourd'hui, il faut demander l'autorisation aux habitants de l'immeuble pour mettre une plaque. Et quelquefois, ils refusent. Il y a eu quelques cas tout à fait importants de refus par les habitants d'un immeuble d'une plaque posée sur leur façade. On sait pourquoi. Enfin, c'était quoi? Ah bah, en général, c'est extrêmement expliqué. Moi, je me souviens très bien d'une plaque sur les événements de février 1848 et le déclenchement sur le boulevard des Capucines, et les habitants de l'immeuble ont refusé une plaque qui disait qu'il y avait eu des milliers de morts le premier jour. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'avocat qu'ils avaient demandé à plaider leur cause expliquait très longuement que c'était un faux historique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu des milliers, même si c'est effectivement le moment du déclenchement de la Révolution de 48. Je retiens bien, Florence Bourillon, que toutes les plaques, que ce soit plaques de rue ou plaques commémoratives, viennent de l'institution. Donc quand on lit « Ici est né Tartempion », c'est passé par le filtre. Alors, on en reparlait tout à l'heure ensemble, c'est qu'en fait, il y a aussi des plaques sauvages. Donc, il existe quand même des plaques qui ont été posées par des gens et qui sont toujours là. Philippe Appelois, en revanche, et là, vous allez aller dans mon sens, les plaques de rue, vous nous l'avez dit, sont uniformisées. En revanche, les plaques commémoratives prennent tous les possibles, et j'insiste dessus, et vous en avez déjà un peu parlé, vous êtes graphiste et typographe, vous êtes très sensible à cela. Dans la création de la plaque commémorative, qui va décider du matériau? Qui va décider de quoi écrire? Comment ça se met en place pour votre sujet d'étude, hein, ces enfants de Paris 1939-1945? Il reste une part de mystère de savoir comment elles ont été, enfin surtout qui les a fabriquées. Pour les plus anciennes, on imagine vraiment des travaux d'artisans. On voit l'habilité de ces personnes qui savaient, en tous les cas, tailler la pierre, utiliser la typographie, mélanger les matériaux. Il y a des typographies en creux, parfois en relief. Il y a des supports très différents, pierres en métal et des pierres de différentes couleurs. Donc je crois que ce qui est très très beau à voir, c'est la polyphonie, j'ai envie de dire, visuelle de toutes ces plaques. Maintenant, aujourd'hui, elles sont fabriquées, je crois, d'une façon un peu, enfin, pas désinvolte, mais enfin, disons qu'il n'y a pas le même soin qui est porté à la composition typographique et même au choix des matériaux. Elles sont uniformisées et elles ont perdu, évidemment, leur singularité. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les plaques commémoratives, c'est aussi leur discrétion. C'est-à-dire qu'elles subissent, bien sûr, les intempéries et la patine du temps, et finalement, elles s'incrustent petit à petit dans l'épiderme des murs. Elles deviennent aussi comme des formes de pansement, en fait, des traces de l'histoire, et elles passent pour inaperçues. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller les chercher, d'aller les regarder, de les lire, bien sûr, d'en conserver le message, et de regarder, en fait, leur beauté. Et je pense que le travail que j'ai fait, c'était à la fois de les rassembler pour donner l'idée de toutes ces traces de l'histoire qui sont dispersées dans Paris, une forme de refus de l'oubli aussi, parce qu'elles incarnent le vivant. Je trouve que c'est très différent d'aller dans un cimetière et de se recueillir ou devant un monument mort et de passer devant le mur d'un immeuble et soudain d'apercevoir à hauteur d'œil, en hauteur ou parfois des fois presque au ras du sol, une plaque commémorative qui rend état d'un destin tragique ou en tous les cas d'actes de bravoure ou de courage. Oui, et sur la période que vous étudiez, c'est vrai que l'année 1944, l'été 1944, oui. C'est là où il y a, on le sent bien et c'est d'ailleurs très fort et on ressent l'utilité de ces plaques, l'idée que là il s'est passé quelque chose et que l'humain est au cœur de ces événements. Oui, il y a une dimension très émotionnelle parce que on peut s'identifier en tous les cas à la personne qui a perdu la vie à 19, 20, 21 ans pour la libération de Paris et qui s'est battue pour la liberté. Donc on pense à tous ces gens, bien sûr. On ne peut pas les oublier. D'une certaine façon, les plaques sont faites pour ça. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres plaques qui racontent des histoires différentes. Déjà, il y a des plaques qui racontent des lieux. Je pense à celle qui est sur les murs de l'ancienne gare d'Orsay, donc musée, qui raconte donc c'était un lieu de rapatriement des déportés. Pareil, sur la façade de l'hôtel du Lutetia, donc elles ne sont pas forcément nominatives. Place des Petits Pères, dans le premier arrondissement, il y a une autre plaque qui dit que là était le commissariat aux questions juives. Bon, rue Lauriston, on pratiquait la torture. Donc il y a toutes sortes de plaques. Et puis on voit aussi des plaques de célébrités, d'intellectuels, d'artistes qui se sont engagés et qui ont leurs plaques parce qu'ils étaient résistants ou compagnons de la libération. Des plaques pour rappeler des personnes, des hommes, des femmes, pour rappeler des lieux, ce qui s'est passé sur ces lieux. Robert Faye, âgé de 22 ans, est mort ici, sur ce boulevard Saint-Michel, le 25 août 1944. Près de la gare du Nord, ce sont des gardiens de la paix qui sont tombés là, derrière cette grille. La Concorde est la plus belle place du monde et le Luxembourg, que voici, un merveilleux jardin. Un merveilleux jardin pour le repos et pour les bavardages, les longs silences et les jeux des enfants. Un peu plus loin, à quelques mètres du terrain favori des joueurs de boules, il y a une plaque modeste. Ici ont été fusillés 7 résistants le 19 août 1944. Tout ce que peut voir un garçon de 17 ans, ce qu'il connaît. En 1944, il faisait des pâtés dans ce jardin. La libération de Paris, c'est déjà pour lui une de ces histoires qu'on découvre dans les livres de classe, qu'il faut apprendre et qu'il faut réciter. Comment serait-il que dans le jardin où il vient chaque jour, peut-être même dans la rue où il habite, est gravé sur les murs ou dans le sol un morceau vivant de cette histoire, si proche justement qu'on ne le voit plus, ni même nous avec notre mémoire d'homme. En 1957, Le silence de Paris, donc un reportage télévisé, évoque le fait que la libération de Paris est déjà dans les livres d'histoire et que déjà, eh bien, ces plaques, on ne les voit plus. Très intéressant cette idée hein, du regard porté sur ces plaques, Philippe Apollois. Oui, parce que, comme je vous le disais, elles passent pour inaperçues, elles sont d'une très grande discrétion, elles sont modestes, et en même temps, elles rendent effectivement état de différents destins, des femmes, des hommes, mais aussi des enfants, et c'est aussi, je pense, au travail qu'ont réalisé les AMEJ, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, qui ont fait apposer des plaques sur les établissements scolaires, et à l'intérieur des établissements scolaires, en mémoire des enfants juifs qui ont été arrêtés, déportés. Il y en a plus de 6600 rien qu'à Paris. Donc ça a été un travail de mémoire partagée. Et ce qui m'intéresse aussi maintenant dans l'installation que je vais faire au Panthéon, c'est de rendre une visibilité à l'ensemble de toutes ces plaques. Parce que comme je vous le disais, on le sait, elles sont discrètes et on passe devant sans les voir la plupart du temps. Alors soudain, de changer l'échelle des plaques, puisque l'idée c'est de les projeter en grand format, de façon monumentale sur les murs du Panthéon, de les transformer en images de lumière et en fondu enchaîné, de les voir défiler les unes après les autres, comme si elles étaient rassemblées sur le temple laïque de la République. 18 jusqu'au 18 septembre, 16 au 18 septembre 2021 au Panthéon, donc c'est à l'occasion des journées du patrimoine. Oui. Il y a cette projection et justement la question se pose d'ailleurs de manière très simple, hein, combien de plaques? Il y a à peu près 1300 plaques et elles sont en tous les cas montrées arrondissement par arrondissement, donc c'est un véritable parcours au sein de la ville, une sorte de jeu de piste. On ne donne pas plus d'indications que l'endroit où elles sont apposées. Moi je ne suis pas historien, je ne prétends pas donner des informations sur les plaques, mais plutôt d'encourager l'idée d'aller les voir, de les regarder aussi, et de remarquer toute la diversité justement de ces compositions et en même temps le texte qu'elles donnent à lire. C'est à chaque fois une autre histoire, souvent très très bref. Parfois il est marqué ici un Français est mort, on ne sait pas qui, donc ça reste anonyme. C'est ça qui est bouleversant. Puis en même temps, le vocabulaire a changé sur les plaques. Vous voyez, au fil du temps, il y a vraiment une histoire de la vie des la vie des plaques. Je pense aux termes allemand, hitlérien, occupant. Aujourd'hui, on dit nazi. Autrefois, on mentionnait pas non plus la complicité du gouvernement de Vichy, ce qui est le cas sur les nouvelles plaques. Oui, il y a une histoire de ces plaques, oui. Parce que, comme vous le disiez, Philippe Appelois, il y en a encore qui sont apposées aujourd'hui. Florence Bourillon, juste sur un regard historique, nous entendons qu'il y a donc plus d'un millier de plaques qui concernent cette période, 1944. Je ne vois pas d'autres moments dans notre histoire récente où il y a eu autant de plaques commémoratives produites pour un événement. Non, je pense que vous avez raison. Il n'y a pas eu d'autres périodes où on a effectivement, enfin, qu'on l'on rappelle par les plaques. C'est vrai que Philippe, vous disiez tout à l'heure qu'elles sont discrètes. Moi, je suis depuis que je m'intéresse aux plaques commémoratives, je suis très étonnée de voir l'attachement des gens aux plaques qu'ils ont souvent sur leur immeuble. Donc, elles sont discrètes, c'est vrai. Mais il y a un véritable attachement. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « Ah, vous intéressez aux plaques, mais moi j'ai sur mon immeuble tel et tel et tel individu ». Et je crois donc qu'il y a un vrai travail pédagogique qui est réellement mené et qui est, à mon sens, réellement réussi aujourd'hui avec ces souvenirs. Elles sont comme des talismans, finalement. Elles sont précieusement entretenues, certaines regardées, certaines s'efface, mais lorsqu'on commence à en regarder une et à les donner à regarder toutes, j'ai envie de dire, enfin c'est très contagieux. Moi, depuis la sortie du livre, j'ai reçu de nombre de messages invraisemblables de gens qui me disent « Mais avez-vous vu celle-ci, celle-là, etc. » Donc, je crois que c'est une façon aussi originale, j'ai envie de dire, de faire découvrir l'histoire, peut-être aux plus jeunes d'entre nous, puisqu'il y a aussi un travail de transmission. Et je pense également à mon installation au Panthéon, le fait de le faire au Panthéon au-delà de symbole du monument. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il est au centre du quartier latin, là où il y a la transmission du savoir d'une génération à une autre, et que on est une forme de maillon, vous voyez, de la chaîne de l'histoire, et que c'est peut-être à nous maintenant, autant que nous pouvons, de façon parfois très scientifique, documentée, ou qui reste mystérieuse et peut-être en tous les cas avec une approche très différente de regarder les traces de l'histoire. Et je pense que le XXe siècle nous poursuit au XXIe siècle. Indéniablement, on a l'impression qu'on ne peut pas se détacher de cette période de l'histoire. Et essentiel, ces plaques dans leur vertu pédagogique, vous l'avez dit, avec vraiment le message qu'il faut, le nom, le pourquoi et la date. Hein. Florence Bourillon, c'est ça aussi, c'est plaque, c'est dire l'essentiel en très peu. Parfois, en revanche, ça se développe. La volonté de mettre en place ces plaques n'est peut-être pas uniquement pédagogique. On est moins dans l'histoire que dans la mémoire. Nous sommes vraiment dans un monde du sensible ici. Oui, alors c'est d'ailleurs nos remarques de tout à l'heure le montrent. On est effectivement aussi dans le domaine du sensible et d'une culture plus individualisée, en fait. Mais il y a quand même une histoire des plaques individuellement qui est extrêmement intéressante. Et il y a eu des travaux qui ont été menés, par exemple, par François-Guillaume Laurin sur une plaque qui est dans le quartier latin, derrière l'école de médecine, et qui est la plaque de Kopitovitch, qui est en fait indiqué comme étant un indépendantiste serbe qui a été exécuté dans la rue, enfin qui a été tué dans la rue par les Allemands. Et en fait, en démaillant, en déroulant la création de cette plaque, François-Guillaume Laurin a découvert que c'est une autre histoire en réalité. Et là, véritablement, il y a cette part sensible, mais il y a aussi dans le choix des mots, dans la façon dont les choses sont rédigées, une véritable historicité et qui vaut vraiment la peine d'être étudiée aussi. Oui, l'historicité, elle vient également de la façon dont les plaques sont fabriquées. J'y reviens parce que pour moi, les mots sont des images. Et cette plaque, je la vois bien, les rues Monsieur le Prince. Et donc, j'ai lu ce livre, je crois, publié chez Flammarion. Elle fait pas partie des plus belles plaques, j'ai envie de dire. Elle est intéressante pour ce qu'elle raconte, mais il y a des plaques beaucoup plus belles, notamment dans ce quartier. Je pense à celle qui est rue Cujas et qui rend hommage au poète hongrois Miklós Rannóti, et qui est une plaque qui est une forme de moulage, et la matière est en céramique. On voit un entrelacement des lettres très raffiné, plus le portrait du poète hongrois. Donc je crois qu'on peut découvrir ces plaques sous un autre angle, et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que les plaques, elles sont apposées un peu où l'on peut, c'est-à-dire ça donne aussi des indices sur l'architecture parisienne, et la façon dont elles ont été photographiées dans mon livre et comme elles seront montrées sur les murs du Panthéon, il y a des indices de l'architecture. On voit des moulures, on voit des morceaux de fenêtres, de portes, et on se rend compte aussi que bon, bah il y a la pierre de taille dans les beaux arrondissements parisiens, bien entretenus, et puis il y a des façades un peu plus décrépites qui sont soit en plâtre, parfois en ciment. On trouve de la brique, et l'idée de projeter, voyez, ces images sur le Panthéon, eh bien, ça fonctionne comme une sorte de décalcomanie. On voit les murs, le calpinage des pierres du mur du Panthéon se transformer en murs de briques, en différents matériaux de construction. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant de regarder que Paris est composé d'architectures très, très différentes, quoi. Oui, en fait, c'est que les plaques donnent véritablement, par leur insertion dans la ville, un autre sens à l'espace public. Et oui, ça, je pense... un espace public saturé d'images, saturé de lettres, puisqu'on est constamment invité à lire des enseignes, à lire des panneaux de signalétique qui nous guident, à lire des affiches qui veulent nous vendre quelque chose. Là, ça ne vend rien, ça nous indique rien de directionnel, ça nous informe. Ça nous informe, ça nous invite à lire, et à lire aussi Modiano. C'est vrai que cette ville... Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière... ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres et l'on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Les traces de Dora Bruder et de ses parents, cet hiver de 1926, se perdent dans la banlieue nord-est, au bord du canal de l'Ourcq. Un jour, j'irai à Sevran, mais je crains que là-bas les maisons et les rues aient changé d'aspect, comme dans toutes les banlieues. Ce sont des personnes qui laissent peu de traces derrière elles, presque des anonymes. Elles ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages de banlieue où j'ai découvert par hasard qu'elles avaient habité. Ce que l'on sait d'elles se résume souvent à une simple adresse. Et cette précision topographique contraste avec ce que l'on ignorera pour toujours de leur vie. Ce blanc, ce bloc d'inconnus, et de silence. Tatiana Werner qui nous lisait un extrait du roman de Patrick Modiano, Dora Bruder, un roman de 1997. Philippe Apollois, il y a de ça aussi, et c'est un peu ce qu'évoque Modiano, c'est ce silence de la plaque. Elle en dit très très peu, on ne sait pas grand chose, on a quelques éléments, souvent tragiques en plus pour celles que vous étudiez, mais elles invitent à l'imaginaire. Oui, elles invitent à l'imaginaire, elles sont mystérieuses, elles gardent une partie de mystère, et c'est ça qui est aussi captivant, c'est-à-dire qu'elles peuvent amener à se questionner, et c'est cette question qui demeure. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le parallèle avec Dora Broder, c'est la déambulation dans la ville. Et l'idée donc de rassembler les plaques, c'est aussi inviter à circuler, c'est une forme de guide, à circuler dans la ville d'un quartier vers un autre, d'un ordre, et de découvrir que là, ici, se sont passées des choses tragiques. Et c'est vrai qu'elles s'inscrivent dans la mémoire. Très curieusement, on ne les oublie pas. Alors qu'on peut être très négligent sur d'autres formes d'inscription qui ont le but, justement, de vouloir nous faire souvenir de toutes sortes d'informations. Mais celles-ci, de par leur modestie, j'ai envie de dire, leur discrétion, elles sont inoubliables parce qu'elles racontent, évidemment, des choses douloureuses pour beaucoup d'entre elles, et qu'on peut effectivement les voir comme un miroir de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et du tragique qui peut arriver d'un moment à l'autre, où tout peut basculer, où le destin des individus peuvent basculer. Et puis, je crois, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que sur les façades, elles invitent à lever les yeux, elles invitent à vraiment balader le regard, enfin on doit être curieux, elles invitent à la curiosité, mais c'est vrai qu'il faut parfois s'équiper, si on veut les photographier, ce qui était notre cas, d'escabeaux, d'échelles pour être à hauteur d'œil, pour pouvoir les lire. Des fois, elles sont vraiment tellement loin du regard que ça demande un certain effort. Mais c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ces plaques, c'est justement, elles ne sont pas uniformes, elles ne sont pas standardisées, et elles donnent une certaine identité à la ville de Paris. C'est important. Avec Philippe Appelois, nous évoquons beaucoup ces plaques sur les façades d'immeubles. Mm-hmm. Mais en fait, il y en a partout des plaques. Et dans votre enquête, hein, parce que c'est même une quête enfant de Paris 1939-1945, il a fallu aller dans des endroits où il y a des plaques, mais difficilement visible. Accessible, oui, il y a des endroits très insolites. Alors, pour parler des endroits les plus amusants, j'ai envie de dire, il y a une plaque au sommet de la Tour Eiffel qui indique que les pompiers ont hissé le drapeau tricolore pendant l'occupation allemande, juste avant la libération. Et donc, cette plaque est en métal. Elle est en métal avec un lettrage en relief. Il y a des plaques dans les égouts, il y a des plaques dans le métro, il y a des plaques dans des bâtiments officiels, des ministères, on en trouve dans les écoles, j'en parlais tout à l'heure, il y en a dans les hôpitaux. Donc c'est vrai qu'il faut parfois pousser les portes, voire, j'ai envie de dire, se transformer en passe-muraille, comme le dit Marcel Aimé, pour aller voir ce qui se cache derrière les murs. Les plaques sont comme des icebergs, vous voyez, il y a une sorte d'iceberg horizontal, on voit quelque chose sur la façade, et puis qu'est-ce qui s'est passé derrière ces murs? Qu'est-ce qui s'est passé là, proprement dit? Donc, il y a effectivement des endroits très surprenants. Elles nous regardent plus qu'on les regarde, finalement. Elles sont comme des personnages, elles sont personnifiées. C'est de cette façon-là que moi, je les observe. Et puis, malgré tout, il y a un regard à porter sur ces plaques, sur ce qu'elles disent de nous, ou en tout cas du temps qui les a produites, Florence Bourillon. Effectivement, dans l'histoire de ces plaques, après celle de 1944, quelles plaques ont pu être mises? Alors, il y a la plaque de l'événement, beaucoup autour du monde des arts, mais la plaque a un rôle politique. Aujourd'hui, on a des questionnements d'ailleurs sur les places, sur la place des femmes. Alors là, on peut englober aussi dans les noms de rues. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a un retour en fait à la création de la plaque qui est plus important, qui date quand même d'une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est d'ailleurs à ce propos que on peut trouver qu'il y a une forme très très différente de ces plaques par rapport à ce qu'étaient les prédécesseuses, en particulier au niveau de la qualité, l'évoquait tout à l'heure Philippe, parce que elles sont certainement avec une orientation plus... j'allais presque dire volontariste, hein. Je n'ai pas dit idéologique, j'ai dit volontariste. Et effectivement, autour des femmes, autour des gens qui sont engagés dans les mouvements divers. Et là, il y en a effectivement un certain nombre. Mais de toute façon, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, il y en a beaucoup moins que du souvenir, en fait, de la période 39-45. Je voudrais juste revenir sur une erreur que j'ai faite tout à l'heure, que Pitovic était un... Yougoslave. Oui. Et voilà, donc je précise bien, absolument, et je vous prie de bien vouloir m'excuser pas de cette problème. Erreur. Moi, je voulais dire que c'est le message politique qui s'impose et qui a fini par l'emporter sur la fabrication de l'objet. Alors qu'autrefois, vous voyez, les plaques étaient aussi complétées d'un certain nombre d'éléments. Des fois, on trouve des palmes sculptées au-dessus des plaques. Elles sont toutes évidemment accompagnées d'un anneau métallique dans lequel on peut glisser un bouquet de fleurs que distribue la ville de Paris au moment des grandes fêtes nationales, mais pas seulement la ville, les individus. Et puis, parfois, on trouve même des petites amphores métalliques qui sont fixées au mur sous les plaques, dans lesquelles on peut aussi glisser un bouquet de façon à ce que les fleurs restent fraîches. Des fois, il y a des porte-drapeaux. Il y a toutes sortes d'éléments, vous voyez, qui viennent compléter la plaque. Et puis nous avons des exemples qui viennent de l'étranger. Il y a un mot qu'il faut citer quand nous évoquons la mémoire dans la ville, c'est Stolperstein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de pavés qui sont incrustés au sol, de pavés dorés sur lesquels on trébuche, puisque c'est le mot en allemand, trébucher. Stolpersteiner, c'est une initiative d'un artiste allemand, Gunther Demling, qui a conçu au début donc ces signes de mémoire dans la ville de Berlin, ce qui était une idée que je salue parce que l'initiative est très, très forte et très belle. Par contre, on peut s'interroger sur l'idée de la prolifération de ces pavés partout. Parce que autant, vous voyez, quand je vous parlais des plaques de rue parisiennes qui sont bleues et vertes, eh bien, ces Stolpersteiner avaient donné une identité à la ville de Berlin. Le fait de les mettre partout, ça perd sa force. Moi, je pense que quand il y a des signes qui s'inscrivent et qui donnent une identité à la ville, eh bien, cette intéressant d'y conserver cette singularité et pas forcément de l'étendre. De la même façon, on pense au mobilier urbain ou à d'autres plaques. Je pense par exemple à Londres, vous avez des plaques qui sont rondes et qui sont toutes bleues. Elles sont différentes, voyez. Ce sont des signes de mémoire et des signes d'histoire. Là, je suis sûr que nous sommes tous d'accord là-dessus, sur la nécessité d'avoir des signes d'histoire dans la ville qui n'expliquent pas tout, qui ne donne pas toutes les explications, mais qui donne envie de savoir, qui éveille la curiosité. Merci à vous deux. Je rappelle votre ouvrage, Florence Bourillon, Changer les noms de rues de Paris, sur cette commission de 1862, ce travail gigantesque avait été fait. Et puis vous, Philippe Appelois, eh bien, Enfant de Paris 1939-1945, et puis ces murs qui nous font signe, et eh bien, ce qu'il y a à voir sur les murs du Panthéon, 16-18 septembre 2021, cette installation avec toute cette plaque projetée et la voix de Denis Podalydès. Magnifique, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Mai Wengizhou. À écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.